et que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Alors, hop, je vais alors nous voici, vous débarquez tous les uns après les autres dans le couloir de l'hôtel. Les lumières sont toujours éteintes. Et vous remarquez que, en sortant de votre chambre, les bougies qui étaient éteintes quand vous étiez à l'intérieur sont maintenant toutes allumées. Vous voyez les uns et les autres que vous êtes tous paniqués. Enfin, vous voyez tous. Non. Parce que l'un d'entre vous n'a pas, on va dire, apprécié toutes les choses qui se sont passées. Et le choc a été tel que Emilio, tu, pour une raison que tu ignores, tu ne sais pas, mais tu ne vois plus rien. Tu es littéralement aveugle. Donc, vous, Peter, Catherine, Albert, vous êtes tous en train de vous regarder les uns les autres, vous regardez Emilio, et vous voyez que vous êtes un peu dans le stress. Hein, et je vais vous demander, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'ai souvenir que... excuse-moi, Catherine était aussi en panique. Est-ce que c'est encore le cas ou pas ? Je pense que oui. Ok. Ok, on va tous se prendre par la main, là. C'est... on va pas se séparer. On va pas chercher des indices. Non, du coup, moi, je tiens la main de Catherine. Je voulais sortir de la chambre et on allait directement aller dans le hall. Là, je vois Emilio là dans cet état et j'essaie de voir s'il va bien. Et est-ce que je peux voir sa pupille, ses yeux ? Est-ce que je peux ouvrir ses yeux ou c'est vraiment il a des yeux vides ? Pour l'instant, en gros, de premier abord comme ça, quand tu le vois, tu vois pas forcément qu'il voit rien. Quelqu'un qui est hagard, qui est là, qui tient sa torche, enfin sa bougie, pardon, devant lui, mais qui regarde, mais tu sens qu'il regarde partout et nulle part. Je vais aller devant lui, du coup, l'interpeller. Donc, j'arrive devant Emilio et je lui dis: Emilio, vite, il faut aller à l'accueil. Il se passe des trucs trop bizarres. La chambre, le visage, le laurier. Il faut pas être là. On m'a drogué. Je vois plus rien. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Tu m'entends ? Je vois rien. Je vois rien. Tu m'entends ? Je vois rien. Je vois rien. Je vois plus rien. Est-ce que tu m'entends, Emilio ? Oui, oui, je t'entends, mais je vois plus rien. Et du coup, j'essaie de lui ouvrir les yeux. Ils sont ouverts, en fait. Tu vois les yeux ouverts, tu vois des pupilles qui sont de couleur normale. En fait, pour toi, t'as pas l'impression qu'il est aveugle. Hein. Tu vois pas Ça a réagi avec la lumière de la bougie. Mais tu vois effectivement que en passant... La bougie devant lui, devant ses yeux, qu'il n'y a pas de réaction. et que ses pupilles ne bougent pas d'un pouce, quoi. Il n'y a pas de réaction, en fait. Bon, t'es victime de la cécité, mais... Bon, où est ton arme? On s'en fout de mon arme, je vois plus rien. Donne-moi ton arme. S'il faut se défendre contre je ne sais pas quoi, là, le type au visage pâle, il faut que je sois armé. Là, t'es plus incapable de nous défendre, alors... À dire que, quand même, je vous rappelle, on a été victime d'hallucinations, donc va falloir y aller doucement avec les armes à feu. Faudrait pas... C'est pas une hallucination, ce que j'ai vu, mais c'est tellement réel. Je peux pas croire que c'était une hallucination. Pas possible. Vous voyez des employés qui commencent à arriver dans le couloir et qui vous demandent qu'est-ce que vous faites dans le couloir? Rentrez dans vos chambres. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Le courant va bientôt être rétabli. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire lui un peu en panique et je lui dis mais on peut pas rentrer dans notre chambre. Il s'est passé des choses bizarres là-dedans. Les ampoules ont éclaté et... il y a quelqu'un qui... Il y a un visage peint sur le mur. Sur le mur de la salle de bain. Quelle est votre chambre? Le numéro. Bon, en fait, vous êtes en face. Hein, vous n'avez pas bougé quasiment de là où vous êtes. Donc, la personne, c'est une femme, une femme de chambre, qui entre dans votre chambre et avec sa bougie, hein, regarde, mais il n'y a rien dans cette chambre. Elle est tout à fait normale. Je ne comprends pas. Et là, est-ce que tu prends le temps de regarder dans une suite Non, mais venez voir. Je veux dire, votre chambre, il n'y a rien. Je passe pas le palier. Ampoules, les ampoules sont la salle de bain en bon état. Et d'ailleurs, au moment où elle dit ça, tu vois la lumière qui revient. Et tu vois les ampoules de votre chambre qui s'allument. Et la salle de bain? La salle de bain aussi, elle va bien, la salle de bain, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Bah, quelqu'un, enfin, il y avait un visage barbu, là, un visage avec une couronne de laurier. Et du coup, elle regarde, elle fait, écoutez, je sais, enfin, tu l'entends au loin, tu sais, parce que forcément, elle est dans la salle de bain, toi, tu n'es pas rentré. Non, non, il n'y a rien. Emilio, est-ce qu'on doit aller voir un médecin pour ton truc? Je sais pas. Prends ma bougie, je vais faire une connerie avec là. Je sais pas. Prends la bougie. J'essaye un peu de. Le mal est passé et reste reposé. On devrait se reposer peut-être. Ah, attends, moi. D'être ça s'est passé un instant là. Une suite ou. En gros, là, il faut vous dire qu'il est à peu près sur les coups de 23 heures. Hein, vous avez mangé, vous êtes restauré, il s'est passé du temps. Donc là, en gros, c'est la nuit. Hein, il fait nuit. On s'endormira peut-être pas de suite. Moi, je dis juste que la prochaine fois, en tout cas, on devrait demander d'être dans une suite et qu'on s'endort tous ensemble en sécurité. Parce que les... Est-ce qu'on pourrait pas être reconduit là de suite dans une suite pour... Peut-être changer de chambre, déjà, ça nous fera du bien. Et puis, on va pouvoir se poser. Vous êtes fou, se reposer après ce qui vient de se passer, mais je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Catherine, dis-lui ce qui s'est passé. Le visage sur ton épaule, on ne l'a pas inventé. Moi aussi, j'ai vu un visage. C'est qui ce visage? À qui appartient ce visage? Pourquoi un laurier? Ça signifie quoi tout ça? Quelqu'un essaie de nous faire peur. C'est un empereur, je sais pas. Un empereur grec. La couronne de laurier, ouais. Moque de suite, un empereur. Ça veut que les succès militaires, le laurier. Romain, oui. Ah mais après, moi, je n'y connais rien, franchement. Non, il faut pas retourner dans ces chambres-là, là. Il y a quelque chose de pas net. De toute façon, je pourrais pas dormir dans cette chambre. Ah, il faut que je fume. Mes clopes sont à l'intérieur de la pièce. Ah, est-ce que tu y vas? Je demande à la dame de prendre mes affaires. Mais écoutez, si vous voulez, je peux vous... Je vous assure, il y a rien dans votre chambre. Elle a été dans chacune de vos chambres. Et effectivement, toutes vos chambres sont parfaitement en ordre. Il n'y a aucun... Elles sont toutes normales. Après, bon, si vous voulez, je peux exceptionnellement ce soir vous mettre dans une chambre ensemble. Mais vous n'allez pas rester dans le couloir, hein. Ben, s'il vous plaît, ça serait pas mal. C'est vrai que peut-être ça vous paraît pas rationnel, mais... Faites donc ça. Mettez-nous donc dans une suite et faites qu'on vienne un médecin. Ok, d'accord. Bon, elle va chercher tes cigarettes rapidement parce que tu lui as demandé, hein. Et vous la voyez partir quelques minutes après, vous demande que vous la suiviez et elle vous emmène dans une suite avec plusieurs lits dedans. Une grande suite. Vous avez de la chance, hein. Vous êtes plutôt vénard. Hein. Et quelques instants après, un médecin arrive dans la pièce. Et du coup, que se passe-t-il? Pourquoi quelle est la personne qui a besoin de mes services? Moi, je ne vois plus rien. Je... Ma vue, c'est voilée. Je ne vois plus. Donc tu vois qu'il s'approche de toi et... Il prend un espèce de d'appareil où il met ça sur ses yeux, en gros, comme des loupes. Hein. Et puis tu vois qu'il prend une petite lumière qui avec une petite bougie dedans, enfin, qui donne de la, enfin, assez lumineux, et qu'il approche de tes yeux, et tu vois qu'il regarde de façon, et puis écoutez, oui, c'est plutôt surprenant, vous n'avez plus de réactivité au niveau de vos pupilles. Vous avez été exposé à des choses récemment, ou des produits, ou un choc peut-être, quelque chose de... Il y a eu des choses paranormales presque qui se sont passées là tout à l'heure. Enfin, ah. Vous dites que vous auriez vu des choses. Disons que il peut arriver parfois lors de grands traumatismes que les personnes perdent un sens. On ignore encore les raisons. C'est encore assez obscur pour nous, mais écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire, mais il est possible que votre vue revienne plus tard, mais ou pas du tout. Écoutez, attendez un petit peu, peut-être du repos. Je vous conseille le repos et vous verrez bien, peut-être ça reviendra. Je viendrai vous voir demain. Essayez déjà de vous reposer. Je vais vous prescrire à tous, parce que j'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu nerveux, de quoi vous calmer. Hein, donc tu vois qu'il vous donne à chacun... Bon, qui m'a demandé un calmant hein, à cette époque-là. Voilà, La un chimie petit n'était peu pas d'opium, hein. Un petit peu d'opium. du Xanax. Je Du pense qu'il. Xanax 5000. Du Xenax. Voilà. Du Xenax, là. Un peu Vous avez tous d'opium, votre petite cachette de Xanax, une bonne nuit de sommeil, et normalement, vous devriez aller mieux, hein. Mais non, mais voilà, il vous donne un petit remontant, quelque chose qui va vous calmer un petit peu, vous détendre, et vous dit d'essayer de vous reposer un maximum. Voilà. Et vous voyez qu'il s'en va. Et vous vous retrouvez du coup tous les quatre dans cette pièce. Alors, est-ce que de ton côté, Catherine, tu as emmené quand même le livre avec toi, le fameux livre de Winkelmann que vous aviez fait traduire? Ouais, son Tu journal l'avais intime. avec toi en Je pense que permanence? j'ai dû le. C'est ça. J'ai dû le récupérer quand on a changé de chambre. Emplacement. Bon, je pense que quand je suis parti la première fois dans la panique, j'ai pas dû y penser. Mais quand on a dû prendre nos affaires pour aller dans la suite. D'accord. Ok. Je vais vous demander, alors, dans un premier temps, de me faire un jet. Alors, malheureusement, j'ai plus personne sur Fonderie. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai tous perdus. Je vais vous demander de faire un. Alors, si j'ai Gassar qui vient de revenir. Alors, Xen, je ne Oui, sais pas fraîche la si tu page. si t'es revenu ou pas. Mais moi, je t'avais perdu. Un Sais pas, jet. moi je me vois dessus, c'est pour ça j'ai. Ouais, je sais pas, là, depuis. Ah Ça y oui, est, attends, t'es yo. revenu. T'es revenu, là, ça y est. T'es revenu. Ah, Ah t'es ben, j'ai. reparti. Ouais, T'es j'ai revenu. rechargé. Bon. Vous allez donc me faire un petit jet de. Déjà de chance, puisqu'on l'a pas fait la première fois. Ouais. Pour savoir comment vous en sortez. 61, je crois que c'est Avec une la réussite. chance. Donc on a 27. 27 pour Emilio, donc c'est mort. Tu m'as dit, Catherine, que tu avais fait. 61. Et du coup, c'est bon ou c'est pas bon? Je sais pas si tu peux regarder pour moi. Je sais pas si tu Alors, veux je reposer t'avais mis ta. ta fiche dans ton personnage, dans ton. Ah oui, Dans... Catherine. Alors. Ah, Alors, tellement de chance là. je pense que t'avais pas mal de chance en même temps, Ouais, il me semble, de Catherine. souvenir, j'étais haut, hein, en chance. C'est où? Je me suis perdu. J'ai perdu Alors connaissance. oui, toi, Peter, on peut dire que t'es vraiment pas chanceux, hein. La chance te sourit. Alors oui, le son de Catherine est plus faible parce qu'elle a des petits soucis de micro pour aujourd'hui. Donc c'est normal. Alors je peux essayer de. Attends, je peux essayer de. Tu m'as mis à 200 sur Discord déjà? Ouais, je vais augmenter le son sur Discord. Bah déjà de base, oui. Parce que j'ai pas de micro juste là. Voilà, donc là j'ai mis Discord C'est à vrai qu'on donf. sent un peu loin. Je suis à Ouais, je 200% sais. maintenant à Discord. Est-ce que ça va mieux maintenant? Je te laisse, Catherine, nous dire quelque chose. Oui, j'ai 84 en chance, donc c'est une réussite échec. Du coup, je gagne pas de points. D'accord. Et donc toi, Peter, c'est donc ok. Akinamna nous dit que c'est bon pour le son, donc c'est parfait. Et donc bah, tu gagnes 4 points de chance, mon petit Peter. Et Albert, toi, tu as fait combien? J'ai fait 85. Ouais, j'ai. Et bah donc, il faut que tu tires un jet de 10 alors. Et ouais. Et j'ai. Et j'ai. Deux. Okay. Donc, ça te fait 68 maintenant. En chance, magnifique. Ça me plagie là, je reconnais, hein. Alors. Moi aussi, je suis 68 là, je suis pas d'accord, hein. Maintenant, je vais demander à notre chère Catherine de me faire un jet en intuition. Donc c'est intuition, ça va être Un peu du pouvoir, si tu veux. Ouais, pouvoir, allez. Trouver objet caché, pouvoir, occultisme, si tu as envie vraiment d'aller loin. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On va faire un jet. Ouais, de pouvoir, allez. De pouvoir. Par contre, ce sera un jet. Alors pour toi, ce fera du 32. Alors je sais plus c'est quoi, c'est genre C'est moins un, en. ouais. Quoi? En gros, on va, tu vas lancer en gros ta compétence, mais à la moitié de ça, c'est une difficulté Ah, je m'en supplémentaire en gros. fiche. Je m'en fiche. Alors, en fait, j'ai déjà lancé et je m'en fous. Fais ce que Ok, tu veux. bon bah J'ai fait et 7. Ah, ok, c'est bon bon. bah alors même Bah, c'est en 7 même, c'est extrême. une... Voilà, c'est une extrême. C'est... Oui, bah oui, c'est pour ça, je m'en fiche. Fais-moi des... Embête-moi. Alors Catherine, tu te remémores quand même que tout ce qui est en train de se passer, pour toi, c'est. Alors, c'est troublant, certes, c'est pas normal et tout ça, mais tu as quand même, toi, de par ton expérience et des habitudes que tu avais sur Paris, de fréquenter des salons un peu. Pas d'obscurantisme, enfin pas de. Mais bon, de cartes, de tarot, de spiritisme, un peu, voilà. Et tu te dis que peut-être tu pourrais te lancer dans une petite séance de spiritisme. Alors, tu as eu l'occasion de pas. Quand tu étais sur Paris, de faire une séance de Ouija. Alors, le Ouija, pour. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Margot, tu connais, moi, c'est bon. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le Ouija est cette fameuse planche avec. Plein de lettres, enfin tout l'alphabet qui est placé dessus, et tu. Place en gros un verre ou quelque chose qui vient en gros se déplacer et c'est les esprits en gros qui peuvent écrire des mots en déplaçant le verre. Sauf que la personne qui tient le verre et doit avoir un certain contact avec l'au-delà et ça déplace le truc. Donc tu as déjà eu l'occasion de le faire. Et tu te dis pourquoi pas? Écoute, ça correspond totalement à peut-être un esprit ou quelque chose. Et comme tu es extrême, tu as fait un pouvoir extrême, tu te dis que bizarrement, ce fameux personnage que vous voyez depuis quelque temps, cet homme âgé, au teint blafard, qui apparaît et disparaît à chaque fois que vous l'avez remarqué, et notamment tout à l'heure qui est rentré dans la cuisine et qui n'est jamais rentré finalement. Peut-être, selon toi, que ce ne serait pas un être vivant, mais peut-être un esprit. Et que toutes ces choses qui se sont passées pour vous sont le fait d'un esprit. Donc je te laisse un peu. Développer ce côté en mode roleplay, petite Moi, je me Catherine. demandais, est-ce que j'ai un peu d'indication sur le principe, je vais me rapprocher quand même du micro, sur le principe d'esprit, justement, ou genre, juste, c'est un esprit, c'est de manière globale, ou est-ce que genre, j'ai une indication, parce qu'un esprit, ça peut être très large, tu sais, il y a plein de trucs, genre, pour des guys, des trucs comme ça. Est-ce que genre, j'ai un peu quand même une visualisation de ça, ou pas du tout? Alors. Disons que t'es un peu. T'es quand même dans le flou malgré tout, hein, même si tu as fait quelque chose d'extrêmement balèze. Mais. Tu sais pas forcément quel genre d'esprit tu as à faire, si c'est un esprit maléfique, mauvais ou bon ou pas. Mais la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est que. Il faut arriver peut-être à communiquer et à comprendre ce que veut cet esprit. tous ces messages qu'il vous envoie, ce fameux visage avec cette couronne de laurier, vous l'avez tous vu, chacun de votre côté. C'est pas anodin, c'est voilà, et ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vécu auparavant, puisque ce genre de d'événement ne s'est jamais produit. Ça sortira la table de Ouija. Donc, tu te dis que il est peut-être intéressant de faire cela. Ce que tu vas faire, du coup, bah, je te laisse un peu roleplay tout ça. Hein, je laisse. Écoutez, je sais ce que je vais vous dire peut vous paraître. Non, en fait, non, ça va pas être si surprenant après tout ce qu'on a vécu. Bon, vous savez que j'aime tout ce qui est un peu divination, les jeux de cartes, ce genre de choses. Et il fut un temps, j'étais invité souvent dans un club dans lequel on faisait des séances de spiritisme. Vous en faites de temps en temps ? Mais on avait vu votre club à Paris. Tout à fait. Nous sommes oui. Eh bien... Non, je ne suis pas du tout croyant de ce genre de choses. J'espère que vous avez changé depuis le temps. Quoi qu'il en soit, je pense que nous avons affaire à un esprit. Il est plutôt évident que nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Nous perdons des capacités, nous perdons pied. Et visiblement, à part passer pour des fous, on n'est pas en train de faire grand-chose de bénéfique dans cet hôtel. Je pense qu'il faut qu'on essaye de parler à cet esprit. Si il insiste comme ça avec nous, c'est qu'il tente de rentrer en contact. Et vous savez, le monde des esprits est un monde compliqué. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous pour communiquer. Et c'est une ouverture à la discussion, je crois. C'est le seul moyen qu'on puisse dormir paisiblement cette nuit. Alors, si vous êtes d'accord, essayons. Tu vois que Emilio, pour lui, c'est... Ça va être un peu abstrait, parce qu'il voit rien. Mais, je vous fais confiance. vous me direz ce qu'il y a écrit. Hein. Évidemment, on fera de la retranscription. On s'occupera de vous. Mais c'est vrai que, voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses, que ce soit Peter ou... Je suis sceptique. Hein, voilà. On voit pas. Et Peter, nous sommes allés dans la Lausienne au Onirique. C'est si surprenant que ça, parler à un esprit. Ouais, ça... Toujours un peu du mal à y croire à ce qui nous arrive. On peut plus d'être aussi fermé. D'ailleurs, Catherine, comment comptes-tu t'y prendre ? Alors, effectivement, on va dire que forcément, une table de Ouija, ça court pas les rues. Hein, ils ont pas forcément ça à l'hôtel. Hein, c'est pas le genre de choses que tu vois régulièrement. Donc, très rapidement, tu arrives avec les moyens du bord à en confectionner une. De toute façon, ce qui compte, c'est pas forcément les objets. Si je peux me permettre, oui. Je sais que Hasbro en vendent et ils existaient à l'époque. Je viens de vérifier. Surtout en Italie. Hein. Ouais, on va chercher voilà, un ouais. Pardon, il y a aucune chance dans l'Italie catholique de trouver une table de Ouija. Papier, et puis voilà. Non, faire, effectivement, je vais confectionner comme je peux une table de Ouija. Oui. De toute façon, il faut. Donc, tu te fais une petite table de Ouija. Hein, une table de façon, comment dire ça, de confection artisanale. Tu prends un verre dans le bar de la chambre et tu le retournes et le poses sur cette table. Alors, comment tu t'y prends ? Est-ce que c'est toi déjà qui va mener la chose ou tu décides de confier le verre à quelqu'un d'autre ou comment ? Non, je vais mener, je suis la personne la plus à même à faire ça, c'est quand même dans mes croyances, c'est quand même dans ce que j'aime faire, même si je suis plus divination, mais j'ai déjà pratiqué, alors que bon, voilà, puis donner à des personnes sceptiques, ça ne marchera pas, c'est quelque chose qui, pour que ça marche, il faut être de bonne volonté, et on le sait, hein, ce genre de zone comme ça un peu parasite qui peut rendre les choses compliquées. Donc je vais mener quand même la danse pour que ce soit. D'accord. Donc vous voyez effectivement Catherine se mettre devant cette table de fortune de Ouija. Par contre, oui, qu'elle a très bien écrit les lettres. Hein. C'est de toutes les lettres sont vraiment très esthétiques. On sent là la styliste hein, dans toute son œuvre. Belle calligraphie, Catherine. Exactement, exactement. Elle pose donc le verre et vous la voyez en gros. Alors, est-ce que je peux te laisser décrire un petit peu comment tu entres en accord avec les esprits ou tu me laisses décrire Je peux te laisser faire. Ça dépend parce que en vrai de vrai, je ne sais pas comment ça se passe une séance Ouija. Je ne connais que deux. Enfin, je connais le principe, mais je sais pas. T'as vu les films ou pas ? Ouais, très mauvais. Très très très mauvais, mais esprit tu l'as, hein. C'est juste. C'est normalement, mais plus son doigt sur le verre et. Ouais, non, normalement, parce que j'ai quand même des gens dans mon entourage qui, je sais, croient à ça, et normalement, t'as quand même des trucs très carrés de la base de si tu le fais mal, l'esprit reste chez toi à vie, donc je connais pas forcément tout ça, donc en vrai, si tu peux avoir la main, c'est un truc sympa, sinon je. Bon, c'est l'hôtel, au pire, c'est pas grave. Je t'avoue que je n'en sais pas plus que toi sur le Ouija, mais on va imaginer les choses de telle façon que. Alors, comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire les viewers qu'on fait pas un Ouija virtuel là, hein. On va faire un faux Ouija. Non, hein. Je n'ai pas ma table. Mettez vos doigts sur moi. Voilà. Si vous voyez des ombres derrière moi, n'ayez pas peur. Vous voyez Catherine qui se pose donc du coup devant cette table de Ouija, qui pose le verre au centre et qui ferme les yeux et petit à petit sa respiration qui devient de plus en plus lente. De plus en plus calme. Alors au préalable, elle a fait en sorte, et ça vous met pas forcément à l'aise, d'éteindre les lumières, d'allumer des bougies dans la pièce pour avoir une espèce d'ambiance qui colle un peu à ce que vous allez faire. Et elle vous demande simplement de poser vos mains, de vous donner. Chacun donne la main à quelqu'un d'autre en gros, et une de vos mains vient toucher le verre. Ok. Vous avez tous vos doigts au centre du verre quasiment, et vous la voyez respirer de plus en plus lentement. Vous sentez que l'air ambiant commence un peu à se rafraîchir. Alors, peut-être que cela vient de l'hôtel. Voilà. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment, mais a priori ça ne devrait pas puisque le feu est allumé. La pièce est plutôt chaude, mais vous sentez comme un petit vent frais qui vient vous titillez un petit peu la nuque, enfin bref. Et au fur et à mesure que vous voyez Catherine rentrer dans un espèce de calme olympien, vous sentez des petites décharges électriques dans votre doigt. Ça vous picote un peu. Le haut du verre commence à vibrer. Vous entendez un petit... Vous savez, le verre qui frotte un peu sur la plaque et qui commence un peu à bouger. Alors, vous êtes un petit peu surpris. Vous avez presque envie de vous regarder les uns les autres, sauf un qui ne peut pas forcément regarder. Qui n'est... qui fit l'expérience intérieure à 100%, et vous avez l'impression que... Vous vous dites, mais c'est pas possible. Qui c'est qui fait bouger le verre Intérieurement, Peter se dit, mais arrête, Albert, mais qu'est-ce que tu fais? Mais au milieu, Catherine, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là, elle est à fond dans ce qu'elle fait. Albert, t'étais plutôt sceptique quand même, mais au vu de tout ce qui s'est passé, tu dis pourquoi pas. Et toi, Emilio, tu te laisses aller dans tout ça. Et finalement, au bout de quelques minutes, vous sentez le verre bouger. Mais littéralement bouger. Votre main suit le verre. Et tous, vous ouvrez les yeux. Et la première lettre qui vient à être désignée est, et je vous laisserai l'écrire quelque part si vous voulez, est un M. Quelques instants après, le verre se bouge encore et désigne un A. Il bouge. R. Il bouge encore. C. Il bouge encore. Et là, vous sentez toujours ce froid qui vient vous. Et le froid est encore un peu plus marqué, un peu plus fort. Oh! Oh putain. Ça Il y bouge a trop. encore et vous sentez un vent vraiment frais vous siffler dans les oreilles. Ça, c'est de plus en plus froid. D'ailleurs, vous avez remarqué que maintenant, vous avez votre respiration qui commence à faire une espèce de buée autour, là, ce petit nuage de vapeur qui s'échappe quand il fait froid. P. Suivi du O. Là, clairement, vous avez froid. Vous sentez la chair de poule sur vos membres. Vous avez c'est comme si vraiment il vous faudrait vous porter quelque chose de plus chaud sur vous, hein. Alors c'est voilà. Je m'étais arrêté à quoi là? Je me rappelle plus. Oh, P oh. O un L vient s'ajouter. Et finalement, le verre vient s'immobiliser sur la dernière lettre, puisqu'après vous verrez qu'il ne bougera plus. La lettre O. Ah, mais non. Et le froid qui vous entourait commence à se dissiper, à disparaître. Vous sentez la chaleur revenir. Vous sentez que les petits picotements dans votre doigt disparaissent. Et petit à petit, vous sentez que Catherine, sa respiration est plus rapide, plus régulière, et finalement, à un moment donné, elle revient comme si elle était partie, mais elle revient à elle et se tourne vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Vous étiez depuis tout à l'heure, il fait de plus en plus froid, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un nom? Ouais, mais je peux pas le Mais c'est deviner. pas n'importe. C'est vrai que le pauvre, il Oublie, il y a de sait la pas buée, moi lui. je vois rien. Il se passe. Il fait froid là. Et vous avez éteint le feu ou comment ça se passe? Je comprends pas. Le feu s'est éteint? Marco Polo. Comme C'est Marco pas ça, Polo. là il y a eu Marco Polo qui est sorti. Oui. Je Je vois pas le comprends rapport là. rien le. Vous m'auriez dit il y a de cela 2 mois que j'allais faire une table de Ouija et j'aurais Marco Polo comme résultat. pense Dites-moi, que. Là, vous en discutez. Est-ce votre nom? Voilà. Est-ce que quelqu'un. Là, en fait, il s'est passé encore une dizaine de secondes. À partir du moment où Catherine a pris la parole, est-ce que vous avez toujours votre doigt posé sur le verre? Toujours. Oui. Tous? Ouais, sinon, je les engueule. Je hurle dès qu'il y a moment... quelqu'un qui vient de... Moi, j'ose pas l'enlever. Il reste que Catherine, elle me le dise. Eh bien, c'est le moment où le verre devient froid comme la glace et explose. Vous allez tous me faire un test d'agilité. Mais en plus, c'est pas bien ça pour l'esprit, je crois. On va être maudit. C'est pas bien pour les chakras, en fait. Non, mais je crois qu'en vrai, c'est pas bien. Quoi. Alors, c'est dextérité, hein, on est d'accord, hein, c'est dex, hein, c'est la dextérité. Donc. Je sais pas combien j'ai, mais j'ai fait 8. J'ai fait 32. L'aveugle, il est lucide. Hein. Ouais, bah moi, j'ai fait 7 et 8, alors j'en ai rien à faire. Ma soirée, c'est maintenant, je vais jouer au poker. Et toi, Peter, t'avais fait quoi, toi? Je vois pas. Ça n'avait pas lancé. Ça n'a pas lancé. Ah oui, parce que je te voyais plus tout à l'heure. Je sais pas, j'ai l'impression que il est pas terrible ce soir. Fonderie, il a un peu de mal. C'est la reprise. Tous, vous voyez qu'au moment où il explose, vous avez le réflexe de retirer votre main. Sauf une personne, Peter. En fait, tu étais alors, dans... Objection, dans... je n'ai plus de doigt à la main. Je rappelle, t'as pas le droit de me faire perdre un doigt en plus. Sauf que, Peter, en fait, tu étais le plus sceptique de tous par rapport à ce que vous avez fait. Et en gros, tu ne comprends absolument pas comment ce verre et tout ce qui est arrivé là a pu se arriver. Et tu regardes un peu... J'appuyais fort sur le verre pour l'empêcher de bouger. Chacun, tu regardes chacun de tes camarades finalement, c'est-à-dire mais qui a fait bouger ce verre. Et c'est vrai que tu as eu une pression assez importante sur le verre, ce qui fait que quand le verre a explosé et que tu n'as pas retiré ton doigt, ta main s'est littéralement enfoncée dans le verre explosé et tu perds du coup pas un doigt, ne t'inquiète pas, tu perds un point de vie. Et en gros, ça te taillade. En gros, tu as des grosses taillades sur ton index, on va dire ça. Enfin, le doigt que j'imagine que c'est celui-là que tu as dû mettre. Bon, la plastique, c'est pas le principe même de ton métier, de toute façon. C'est pas grave, je veux dire. Rien vu, toi. quand ça arrive, je deviens blanche. Parce que je sais que le verre qui se casse, qui est expulsé de la table, c'est l'esprit qui est en colère. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui, visiblement, le met en colère. Et j'ai peur. Quoi qu'il en soit, vous avez une info. Marco Polo. En colère. Maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous laisse me dire ce que vous faites. Il est, en gros, le temps que vous fassiez tout ça, il doit être sur les coups de minuit. Vous êtes quand même désinfecté assez fatigué. Hein. La fatigue, quand même, se fait assez grande. Vous avez vécu des choses plutôt stressantes ces dernières heures, hein, malgré tout. Et donc voilà, que faites-vous ? Je vais me désinfecter la main, vu que là, j'ai des bouts de verre. Oui, ça, je te laisse, évidemment, allez, te nettoyer. Je pense qu'il va falloir enquêter Marco sur Polo. Le lien de Marco Polo avec nous. Ça sort pas de nulle part. Je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Il n'est pas vénitien, Marco Polo? C'est un vénitien, effectivement. Donc, déjà, ça nous rapproche, quoi. C'est pas un type inconnu. Bon. Que demain, il faudra qu'on aille faire des recherches sur Marco Polo à la bibliothèque. Et... Je connais que son livre, mais peut-être il y a des informations de... avec un homme barbu, avec un... enfin un homme avec des lauriers. Il y a le, il y a l'Académie commerciale et nautique qui pourrait avoir des informations de nous conduire là-bas, parce que Marco Polo, de toute façon, un explorateur. Hein. Sur la, la Piazza Lipsia, il y a l'Académie commerciale et nautique. Peut-être ça, hein, où il faut aller. Il y a peut-être un bâtiment qui porte son nom dans la ville, ou peut-être qu'il a carrément été... Je dis ça parce qu'il y a le musée de la mer là-bas. Donc... Marco Polo, la mer, le musée de la mer, c'est quelque chose qui se tient. Du coup, est-ce que on part du principe que vous allez vous coucher, enfin vous allez tenter de vous coucher ou vous allez rester éveillé toute la nuit, je sais pas. C'est pas très raisonnable, mais d'un côté, est-ce qu'on a vraiment la tête à dormir? Ça risque d'être compliqué. Mais de l'autre, ça serait le mieux pour pouvoir poursuivre tout ça dans, en étant sain d'esprit. Donc, Alors, dites-moi qui a pris la médication que le médecin a donnée. Moi, je la prends. Je l'ai pas prise. Je la prends avant de me coucher, mais je vais la prendre. Moi, est-ce que Albert, tu l'as pris toi aussi ou pas? Je l'ai. Eh bien, vous voyez que même si vous ne vouliez pas, pour certains qui voulaient peut-être pas se dormir, eh bien, au bout d'un moment, la médication fait son effet et vous écroulez tous, chacun dans votre lit. Jusqu'à vous réveiller le lendemain matin. Alors, plus ou moins hagard quand même, vous êtes un petit peu surpris de vous réveiller dans une chambre qui n'était pas la vôtre, ce lit qui n'était pas celui qui était de base prévu, et puis très vite, vous rappelez un peu ce qui s'est passé et vous revenez à la réalité. Vous sortez de vos chambres, est-ce que de cette chambre, est-ce que vous prenez le temps quand même de retourner dans vos chambres respectives pour peut-être vous changer ou vous avez décidé de ne pas y aller? Il fait un jour, il fait jour, hein, ou pas du tout? Bon, honnêtement, il y a des espèces de. De quoi? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Al? Je disais juste, je repasse, oui, moi je vais Ok, d'accord. Donc toi, Albert, tu décides de retourner dans ta chambre et tu remarques qu'effectivement, ta chambre n'a pas du tout changé. Tout ce que tu as cru voir hier soir, a priori, ça devait être... quelque chose dans ton esprit, mais ta chambre est parfaitement normale, donc tu peux tout à fait te changer, prendre des habits propres. Et toi, Catherine, tu décides de ne pas y aller? Moi, je me contente d'un paravent. Oui, c'est ça, c'est les paravents, les gros trucs là, l'esprit. Oui. Ouais, je me contente d'un paravent, ça devrait. Alors attention, parce que on vous a placé dans la chambre, mais toutes tes affaires sont restées dans la chambre de base. On n'a rien déplacé. Oui, mais Peter, dans sa gentillesse absolue, ramènera sûrement des affaires. Attends, qu'il va les chercher dans tes petites tenues, dans tes petits sous-vêtements. Non, non, mais il me ramène toutes mes affaires. Moi, je fouille dedans. D'accord. On a quand même pris la grosse valise. Hein. Bah oui. Oui, oui, celle-là, cette malle. Oui. Et donc, Peter, tu acceptes d'aller chercher toutes les affaires de Catherine dans sa chambre ? Je peux prétexter le fait que j'ai une main handicapée ? Bon, Emilio, moi, je vois ou pas ? Où j'ai passé là-bas ? Non, mais j'y vais. Je vois porté, ou pas, moi ? J'ai porté tes affaires à Catherine, mais bon, j'ai peur que ça me fasse très très mal à la main. Il faudra peut-être refaire mon bordage. Ah, ça me dégoûte. Bon, allez, hop. Une question, est-ce que je revois ou pas ? Pas encore. D'accord, ok. Bah, du coup, Peter, vu que vous êtes debout, vous voulez pas récupérer mes affaires aussi ? Vu que t'es debout. Allez, bon, j'y vais. En fait, je suis bien trop un majordome. En fait, c'est devenu comme Alfred, tu sais. C'est pas Albert là, c'est Alfred. Il est devenu majordome. Donc du coup, tu vois, Emilio, bon, tu essayes tant bien que mal de te changer. Hein. C'est pas évident. Fraîchement aveugle, tu te rends compte que c'est pas facile tous les jours pour les aveugles, hein, finalement. C'est pas facile. Et tu t'inquiètes un petit peu de ta condition. Tu espères que ça ne va pas rester pour toujours, parce que tu pourrais pas vivre comme ça. Hein. Confirme. Voilà. Peter, toi, tu te sens un petit peu utilisé par tout le monde. Sauf Albert, qui, lui, bah, il se débrouille tout seul, finalement. Il est bien sympa, ce Albert. Il y en a au moins un qui demande rien à personne. Et toi, Catherine, bah, tu dis que finalement, Peter est quelqu'un de très serviable et de très sympathique, fort sympathique. Ouais, je le savais déjà. Hein. De bonne écoute. C'est celui que j'ai compté pour me protéger quand ça allait pas. Donc, je le sais. Ouais. Et du coup, tu te changes rapidement. Peter, toi, tu vas dans ta chambre, du coup, pour te changer toi aussi ? Non, mais je me change devant tout le monde. Aucun souci. Ok, bah tu dans les couloirs. Heureusement que je suis aveugle. D'ailleurs, Peter, tu remarques que quand tu t'es redirigé vers la chambre de Catherine, t'as remarqué... un homme plutôt bien habillé, mais qui avait l'air de rester genre accoudé ou enfin appuyé contre un mur en regardant dans la direction de vos chambres, qui ne t'a pas forcément vu arriver parce que bah tu arrives d'une chambre qui était beaucoup plus loin, et que cette personne c'était une coïncidence, mais a l'air d'être d'origine turque. Et d'ailleurs, quand tu t'approches, tu vois qu'elle regarde dans ta direction au fur et à mesure, et que elle commence à se redresser et part dans l'escalier. Voilà. Ensuite, tu rentres dans la chambre et... Il avait un fez sur la tête. Pas du tout. Pas du tout. Pas de fez. C'est juste à sa tête, quoi. C'est... Oui, oui, tu turc. Bah, après, il y a des traits, voilà, très, très marqués. Ouais. Il avait une bonne tête de turc, là. Vraiment, à être... tête de turc. Et donc, voilà. Il est coupable de quelque chose, mais il ne le sait pas encore, tu vois. C'est... Voilà, voilà. Donc... Et donc, voilà, tu... Bon, ça te perturbe pas plus que ça, hein, dire en même temps, bon, c'est un grand étonnant. hôtel, ouais, il y a un peu de toutes les nationalités, mais bon, voilà, tu remarques, c'est que J'aurais fait la comme... réflexion en bon américain, ils acceptent n'importe qui dans cet hôtel, mais bon, Non, voilà, tout de suite, hein, d'accord. Oh. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, tu as pas Mais non, pu... non, mais là, je suis bizarre, quoi, quand même, le type. Bah, il s'enfuit ou il a juste, il part comme ça? Je veux dire, il court pas Non, dans le coin. il te voit arriver, tu vois qu'il te regarde un petit peu, genre comme s'il essayait de savoir qui t'étais. Enfin, voilà, par contre, il ne te dit pas forcément bonjour, nous connaissons. Il se pousse du mur et il s'en va. Ok, je vais rentrer dans la chambre de Catherine et prendre ses affaires. Voilà, donc après, bon, vous retournez à vos trucs. Vous prenez un petit déjeuner. Est-ce que quelqu'un lit le journal pendant le petit déj? Il est en Ah italien, non. malheureusement. Alors, Emilio, tu lis le journal. Du moins, Non, tu essayes de lire le journal. je lis le Alors, journal attends, italien pour je lis le Emilio. journal. Voilà, et... Je lis le journal italien pour Non, Emilio, en donc fait, je... tu vois que dans votre chance, la chance que vous avez, c'est qu'il y a quand même une version américaine, enfin anglaise, on va dire, hein, en anglais, du journal pour les étrangers, parce que forcément, tout le monde ne parle pas forcément italien. Donc, vous avez une version pour les étrangers en anglais. Donc, c'est toi qui la lis, Peter? Tu feuillettes un petit peu et tu tombes à un moment donné sur un article d'une personne retrouvée morte au niveau de la rivière, enfin d'un fleuve, enfin je sais plus s'il y a un fleuve ou quoi, enfin un point d'eau et donc dans un sale état, en gros littéralement bouffé quasiment. Et on ne sait pas d'où elle sort. Ils l'ont retrouvée à moitié bouffée sur la rive. Ce serait un homme, a priori. Et sinon, bon bah après les différentes infos du jour, il se passe ci, il se passe ça, voilà. Un fantôme court les rues. Ouais, promotion sur les tomates. Voilà, super promo sur les sièges en ce moment. Est-ce que je peux regarder les annonces, comment ça s'appelle, matriarcales, là? C'est les plus drôles. Non, dans tous les cas, je vais faire part de Matrimonial. ce que... Matrimonial, pardon. Matriarcal, Matriarcal. c'est pas Pas loin, mais c'est... trop. Non, je vais Oh, il faire... ressemble, en tout cas. Oh, bon, c'est peut-être un journal spécial, je sais pas. Non, mais dans tous les cas, je vais aller prévenir mes camarades de ce que je viens de vous dire, en fait. Là, je leur dis, bah écoutez, là, il y a eu un meurtre des plus effroyables à quelques pas de chez nous, là, encore, enfin, à quelques pas de l'hôtel. Ça me rappelle comment s'appelle Milan, avec aussi il y a eu des morts empalés ou un truc comme ça, si vous vous en souvenez. La bête, Exact. la bête. Milan. Faites-moi tous un test de toc, s'il vous plaît. Ah. Bon, le truc, normalement, ça Non, devrait je sais pas aller. moi. Tu veux Ouais, pas je augmenter ton trouve. toc? Mais je ne peux pas, en fait, je suis aveugle. En Comment vrai, tu veux c'est que je vrai. trouve quelque chose? Dans ton toit C'est intérieur? pas faux, c'est vrai. Donc, sauf Emilio. J'ai Moi, fait je demande 34. à. Pendant qu'ils font ça, moi je demande à quelqu'un, à un majordome, d'aller m'acheter une paire de lunettes et une canne. Carrément. Bah, j'ai pas envie de m'abîmer les yeux 53. pendant la journée alors que je suis aveugle, tu vois. Si jamais ça revient, j'ai pas envie de m'abîmer les yeux avec Et le soleil. d'accord, donc on fait ça. Et toi, enfin Albert plutôt? 23. Donc, pendant que Emilio essaye tant bien que mal de trouver sa bouche avec la fourchette, eh bien, remarquez au fond du restaurant, enfin au fond de la salle de petit déjeuner, hein, en gros, un homme en train de lire le journal. Cet homme est plutôt bien habillé. Et a priori, tout comme toi, Peter, tu remarques, enfin vous remarquez, qu'il serait plus du côté de la péninsule d'Istanbul. D'accord. Pourquoi l'accent, mais bon, très bien. Je sais pas. Bienvenue. Le mot péninsule te donne envie de prendre l'accent Kunras. Du sud. Bienvenue à toi, Kunras. Bienvenue. Non, bah, c'est pour éviter toujours de dire turc, quoi. Hein, donc j'essaie de changer un peu et de casser un peu le côté. Encore un turc. Encore un. C'est vrai que c'est. Ah bah vraiment, à l'époque, je veux dire, les Ottomans, ils étaient vraiment pas bien traités, mais bon. Oui, mais bon, c'est pour montrer que voilà, c'est pas moi qui dis ça, c'est le jeu. Oui, d'accord. C'est ça, justifie le jeu, bien sûr. Voilà. Donc au final, ce sera les grands anciens. Vous remarquez une personne qui, a priori, selon toute vraisemblance, ouais. Serait d'origine turque. Voilà. Bah, ça se voit plutôt à ses vêtements ou il est habillé comme nous. Non, tu vois comment ça, pourquoi. Bah, c'est non, mais ils ont... vêtements. Non, tu vois que c'est traditionnel. Ils sont. Non, il est habillé de façon, on va dire, très très bien, très très bien sapé, tout comme vous. Hein, vous voyez que c'est un ensemble plutôt clair, crème en gros. Et non, c'est. Il n'a pas l'habit turc. Voilà, c'est, il n'est pas en train de faire la danse de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. La danse. Oui, il n'est pas en mode derviche tourneur, tu vois. Non, c'est quasiment genre un homme d'affaires qui serait là en train de regarder son journal, quoi. Bon, l'Ottoman qui en passe à l'Italie, qui essaie d'être discret. Voilà, enfin, après, tu vois juste qu'il est en train de lire son journal. Alors, il a le journal un peu en face de lui, mais tu vois que le journal vient légèrement... tu vois légèrement le haut de son visage, pas forcément toute sa tête, mais tu vois légèrement ça, tu vois. Bon, bah, je vais pas l'aborder, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas très à l'aise. Je dis quand même à Catherine que ce type-là rôdait autour de ta chambre. Alors, tu saurais pas te dire forcément si c'est lui que t'as vu ou pas. Ah oui, pardon. C'était une autre chambre. Excusez-moi, c'est un autre Turc. Vous ressemblez tous. C'est parti, voilà. C'est... Qu'il en soit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez eu ça? Qu'est-ce que vous comptez faire du coup de votre journée? Je suis désolé. Ouais, la même. Hein. on va aller à la bibliothèque, on va aller lire un peu, prendre de la culture, ouais. Éviter de dire ce genre de choses. on va se plonger dans une autre activité que. Oui, que ça. Ça marche. Alors, vous décidez du coup de sortir de. Et vous êtes donc. Vous voyez qu'il fait quand même un peu plus frais qu'avant. La Bora souffle un peu aujourd'hui. Et. Quand on allait dehors, déjà, on gelait le nez coulait, ça gelait direct. Tu me dis qu'il fait plus froid. C'est pas normal là, par contre, le truc, on est en pleine Russie soviétique. Tu es dans la taïga maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais en gros, oui, c'est quand j'ai dit ça la dernière fois, c'était de nuit. Là, il fait jour, donc en pleine journée. En gros, c'est pas non plus le froid glacial que tu avais eu là, mais tu sens que ça, il fait frais. De toute façon, vous avez tous prévu de quoi, des vêtements chauds, et vous n'êtes pas non plus en train de friser. Mais tu sens que bon, le vent souffle pas mal, et que bah voilà, si vous aviez pas de quoi vous protéger un petit peu, vous pouvez vite tomber malade, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse plus froid qu'à Lausanne ici, tu vois, mais bon, c'est. Eh ben, ouais. Et, ouais. C'est petit. Et tu sais que c'est même pas typique à Cthulhu. Hein. C'est vraiment dans ce coin-là, il y a vraiment la Bora qui souffle et qui a des vents très... Ouais, non, mais donc, vous pelez les miches et ça souffle quand même pas mal. Donc, vous avancez vers la bibliothèque et vous allez me refaire pour le fun, parce que j'ai envie de vous faire faire des jets un petit peu pour réchauffer les mains. Un autre petit jet de toc, s'il vous plaît. Ah non. Non. Sauf ému. Alors d'ailleurs, qui donne un coup de main, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ça, mais qui donne un coup de main à Emilio, parce que forcément... ok. Donc, Emilio, tu as la présence de Catherine juste à côté de toi qui te donne le bras. Et d'ailleurs, tu sens que c'est pas mal parce que vous êtes quand même proche et le fait que vous soyez proche, ça, vous avez un peu plus chaud. Que si vous. C'est pour ça que je l'aide, hein. C'est tout. En fait, tu vois que limite Catherine, elle est appuyée sur toi, elle ne sait pas la marcher. C'est sur la survie, en fait. Oui, bah oui. Voilà, donc Catherine t'aide à te mouvoir dans les rues. Mais c'est tout. Donc Catherine, Albert et Peter, donc vous faites un petit jet de toc. 67. 43 pour Peter, si j'ai bien compris. 53. Ouais, c'est 53 ou 43? Je vois un 43 là, au dernier. Oui, 43, pardon, excuse-moi, j'ai l'autre. Voilà, 43 dessus. Pour le dernier. Catherine, tu m'as dit 67, c'est ça? Tout à fait. Et toi, Albert? 75. Il y a tout qui passe là, vous êtes tellement fort aussi. Bah ouais. À 75, ça passe pas avec tout le monde, ça. Ah non, moi, ça passerait pas, hein. Même si je voyais. Hein. Alors... Attends, hein. Hop. Vous êtes en train de marcher dans les rues en direction de votre bibliothèque. Quand... au détour d'une rue, votre regard est attiré, tous les trois, Catherine, Peter, Albert, par une silhouette qui est derrière vous et qui, a priori, vous suit depuis quasiment que vous êtes parti de votre hôtel. Et encore ce César, peut-être. Vous essayez peut-être de savoir qui c'est, ou vous avancez plus vite, que faites-vous? Je dis à Emilio et à tout le monde de rester là, je vais aller voir qui c'est qui nous suit là. Ça. Qui c'est qui? Et si ça se passe mal, tu le tires dessus. Je te fais confiance. Donc... vous profitez de l'angle de la rue pour vous prendre cet angle et si tu veux, toi Peter, tu reviens sur tes pas et tu finis par tomber nez à nez avec une personne que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer. César ou le Turc, c'est un des deux. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Cette personne... Tu l'as rencontré dans un musée. Le vieillard. Effectivement. Tu es en face de cette personne qui n'est autre... Puisque vous vous étiez renseigné, il me semble que c'était Albert qui s'était renseigné sur ce vieil homme, qui n'est autre que Helmut Grossinger. Oui. Tout à fait. Je me souviens qu'il s'appelait Edmund. Eh bien, il te fait face. Il est d'abord surpris de te voir arriver. Il s'attendait a priori pas à te voir. Et tu vois qu'au moment où tu lui fais face, qu'il sort un petit son de... Alors... Un peu froid pour une balade. Alors tu vois qu'il est comme ça, tu comprends très vite que il a priori n'a plus de main, d'où le fait que on lui tournait les pattes. Ah, ok. J'étais en mode, il a ses mains dedans, mais non, il a vraiment plus de mains. Plus de mains, tu vois. Tu vois que, okay. En fait, ses manches tombent, mais tu vois qu'il n'y a rien qui dépasse de ses manches. De ses manches, ouais. Et tu vois qu'il essaye de te dire quelque chose. Et... J'essaie de l'écouter. Hé, voilà. Et il fait avec sa tête, il... Je dois te suivre. Hé, voilà. Mais oh. Attendez, mes amis, je vais les prévenir. Hé, vite. Ok, je me dépêche. Donc, je cours, je leur dis, ok, vite, il faut aller suivre Edmund s'il a un truc à nous montrer. Ça peut être un piège, peu importe, mais il se trouve là, il nous attend vite. Tu vois qu'il est... A priori, il a l'air d'avoir un peu... Je sais pas s'il est content ou quoi, ou il a des attitudes assez incompréhensibles, mais tu vois qu'il est pressé et qu'il faut se dépêcher. Hé, oh. Et tu vois qu'il avance assez rapidement. Il a bien sûr attendu que vous arriviez tous et vous le suivez dans les rues de Trieste. Au bout de une vingtaine de minutes de marche dans le vent glacial de Trieste, vous arrivez dans un quartier plutôt dégueulasse, en fait. Enfin, c'est vraiment un quartier qui n'a plus rien à voir avec le centre de Trieste, hein, où c'est vraiment beaucoup plus sordide, hein, louche, limite. Ça vous rappellerait presque ce quartier de Londres. Ou ces quartiers de Londres avec... je ne sais plus. Voilà, Charles Street. Là où on avait vu le professeur Smith. Enfin, le faux professeur Smith. Mais d'ailleurs, vous remarquez des gens qui sont là appuyés contre les murs, qui vous regardent. Vous avez quand même des tenues qui sont a priori assez chères. Hein. C'est, là, vous voyez qu'ils vous regardent avec des yeux un peu pleins d'envie. Plein de jalousie. Catherine aussi, tu vois que les femmes te regardent d'un mauvais œil. Bon, au milieu, toi, tu ne vois rien. mais tu sens une odeur âcre, désagréable. Peut-être plus, t'es plus sensible à ce genre de choses. Tu entends des bruits qui te dérangent, tu vois, des bruits genre comme je sais pas un morceau de ferraille sur le mur ou enfin des bruits que tu ne discernes pas trop, mais t'as pas l'habitude de ce genre de bruit, c'est pas habituel pour toi. Les autres, vous n'entendez pas, hein, ce qu'entend Emilio, bien évidemment. Tu sens que tes sens sont plus plus sensibles, les sens qui te restent. Donc tu sens des odeurs aussi, donc les odeurs, les sons. Voilà, et ce parfum enivrant malgré tout de Catherine qui aussi te casse un peu avec les odeurs du quartier. Ah oui, tu te sens bon, Catherine, quand même. Oh, mince, quoi. heureusement, d'ailleurs, ça casse un peu les mauvaises odeurs du quartier. Enfin, du coup, voilà, vous arrivez un peu et puis toujours ce Helmut qui avance presque. Vous avez presque l'impression d'avoir un Quasimodo, tu sais, qui est là en train de faire. Aïe, c'est Gollum, aïe, quoi. Voilà. C'est bien, moi. Et vous traversez du coup ce quartier et pour arriver devant un bâtiment vraiment glauque, abîmé. Et vous rentrez à l'intérieur. Vous sentez que ça pue énormément. Milo, t'as du mal à rentrer à l'intérieur. Et t'es un peu rebuté par cette odeur. Et vous arrivez du coup devant un appartement. Et Helmut, en gros, donne un grand coup de latte dans la porte pour qu'elle s'ouvre. Il a pas de main. Donc la porte s'ouvre et... Je rentre, j'imagine. Oui. Enfin, et vous voyez qu'il retourne vers la porte et remet un grand coup de latte et celle-ci se ferme. On est en danger? Oui. Oui. Danger. Ah non, j'aurais jamais deviné. Je suis très cynique aujourd'hui. Vous remarquez d'ailleurs que, à force de le voir parler, vous voyez que sa langue, parce qu'il arrive quand même à ouvrir la bouche parfois, hein, quand même, qu'il n'y a plus de langue. Ouais. Sa langue est comme. Comme si elle avait... vous voyez pas comme si elle avait été coupée. Comme si elle était atrophiée. Comme si elle c'était une cicatrice. Enfin, comme s'il n'y avait pas de langue. En fait, ça fait super bizarre. Comme s'il n'y avait jamais eu de langue, en fait. C'est bizarre. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire, aller pour le fun, un même si je pense que ça va pas être un test de médecine. Ah mais totalement. Ah, c'est vraiment pour le fun, hein. J'ai combien en médecine? Tu as un. Ah bah. En vrai c'est dommage parce que j'avais fait 19, ce qui est pas si mal. Hein. On se voit. Ouais. Moins de chance, hein. Mais. Parce que ça vaut le coup de craquer de la chance là. On verra, il y a peut-être des gens pour le fun. Je fais 43. Ah, moi j'ai utilisé peut-être 93 points de chance là, c'est pas mal. Vas-y, merci, fais donc ça. Merci au chat pour les subs. Peter, tu peux utiliser tes points de chance. Non. Je suis là, hein. Je suis en train de me transformer. Je suis contrôlé. Et tu es un grand ancien. Vous voyez qu'il enlève en gros le manteau qu'il avait sur lui. Et effectivement, vous voyez apparaître en gros des bras sans main. Atrophié ou pareil, juste sans main? Sans main. Ok. Comme s'il en avait jamais eu, finalement. Je lui ai posé une question qui a l'air d'inintérêt, puis c'est pourquoi il nous aide là? Comment il sait? En gros, vous voyez que il commence à partir dans une pièce. Et il revient un peu plus tard avec des morceaux de papier. Vous voyez qu'il les a entre genre ses deux avant-bras. Enfin, là, il tient entre deux, hein, parce que forcément, il ne peut pas les... C'est moi qui ne l'a pas. Et il te tend, enfin, non, Peter, autant pour moi, ouais. Ses feuilles de papier à moitié déchirées. Hein, tu vois qu'elles sont déchirées, brûlées pour certaines. Ouais. Ça, voilà. Donc il te tend ça. Je les prends, je les donne à Emilio, tiens. Je vais les lire. Allez, on a droit de ça. Je vais les lire. Enfin, s'il y en a trop, je peux passer aux autres. C'est pas écrit en italien, à tout hasard. Alors, tu vois que c'est écrit en allemand. Oh, fais chier, putain. J'ai toutes les langues sauf celle-là. Et personne ne parle allemand, bien évidemment. Personne ne parle allemand, bien sûr. Bah, l'anglais, c'est pas très loin. Très éloigné seulement. Bah, non, c'est pas si éloigné. C'est deux langues germaniques. Ça passe, hein, je pense. Allô, ça commence à négocier. Bon, écoute. Hans Fleisch, c'est faux. J'ai fait 2 ans d'allemand dans la vraie vie. Je peux essayer. Je les donne à Catherine. J'ai fait de l'informatique, mon perso il sait faire des... S'avère, Catherine, que effectivement, tu es allé quelque temps à Berlin pour un grand festival de la mode et tu as effectivement quelques petites notions d'allemand. Donc voici ce que tu arrives à déchiffrer de... Alors, tu vois quand même des... Ces papiers sont quand même vachement abîmés. Hein. En déplaçant les feuilles que tu as, un petit bout de ci, tu vois ça, un petit bout de... Enfin, tu vois, il faut vraiment imaginer que sur ce morceau de papier-là, tu trouves ça, et sur un autre, tu trouves ça. Voilà, c'est quand même le gros bordel. Hein. Donc, sur une des feuilles, tu trouves le texte mentionné « Remonte à la terre guest romaine, bien que Van Nuys suggère que le culte puisse être bien plus ancien. » Sur une autre page, tu trouves donc « Semble préférer vivre, entre parenthèses, habiter, dans des cavernes sous la surface. Les magnifiques formations du karst des environs, entre parenthèses, le nom vient de Grast, le nom slovène de la région. Fin de parenthèse. Serait pas probablement idéal. » Donc là, tu vois que le texte continue, mais malheureusement, il est brûlé à cet endroit-là, donc tu ne vois plus rien. Sur une autre page, pareil, tu vois que ça commence, tu ne peux pas lire, mais suis. D'un autre endroit, entre parenthèses, la nébuleuse d'Andromède, de Yermuts, Mysterius, ils peuvent se manifester comme... Malheureusement, la suite est illisible. Une autre page, poisson humain, visible à travers la peau, plus loin, organe externe, plus loin, vibrant et luisant. Sur une autre page, un mot qui vient terminer une phrase que tu n'as pas réussi à lire, Gatanotoa. On pense que d'autres vénèrent le seigneur des vents, Ita. La suite, tu ne sais pas. Plus loin, les arts surpris parlaient d'une tâche que leur maître avait confiée à leur culte il y a des années de cela et qui n'est toujours pas achevée. Sans entrer dans les détails, les punitions ont... Tu ne sais pas. Plus loin, doigts, orteils, yeux, membres, greffe sur le corps et peuvent bouger de leur propre volonté ou sous la volonté de... Je ne sais pas la suite. Et enfin, une dernière page où, pareil, le début est brûlé et tu vois écrit « Ordonné de garder l'œil ouvert et de se procurer tous les artefacts ayant des pouvoirs magiques pour les offrir aux invisibles. » Et voilà l'ensemble des choses que tu as su déchiffrer. C'était vraiment compliqué. Tu avais des bouts de phrases. C'était, voilà, ça s'arrêtait, ça reprenait. Enfin, c'était compliqué. Bon, ça nous paraît un peu plus clair. Donc, en fait, c'est ces invisibles qui ont peut-être la suite de l'artefact de CDFK. En voulant récolter... Helmut, il y a... Oh, oh, oh, hé, oh, ah, Oh, attention! Oh, hey. Danger, attention. Pourquoi vous... Oui. Oui, oui. Oh, oui. Je pense qu'il y a le type déjà qui nous a filé le journal de comment il s'appelle, de l'archéologue. Je vous rappelle que sa famille détenait le journal. Le type avait aussi un problème à la main, si vous en souvenez. Et je l'avais noté. Est-ce que vous en souvenez de ça? Il avait un truc étrange. Oui, et il m'avait dit que c'était la guerre ou je sais plus quoi. Et il nous avait lancé sur un traducteur de grec. Et on a refusé en prétextant prendre un étudiant ou quelqu'un d'autre pour faire la traduction du livre. Oh, oh, allez, ah, ah, oh, oh. Et vous voyez qu'il tend son bras dans une direction. Alors, a priori, ça pourrait être le nord-est, comme ça, là, à vue de nez. Hein. Oh, oh, oh, ah, allez. C'est pas facile. Vous voulez qu'on aille vers... Il y a quoi là-bas? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, vous voulez qu'on aille par là? Oui, ah. Je lui tends un crayon et je lui demande s'il peut écrire. Mais non, il a plus la main. Bouche. Il est devant moi. C'est vrai, il met le crayon dans sa bouche et il écrit, hein, c'est bon. Ouais, mais va écrire avec ta bouche, vas-y, je te laisse écrire un mot là, vas-y, prends ton dans son coude. Il met dans son coude. Mais ouais, bien sûr. Ah non, le coude, non, c'est plus chaud que la bouche. Et... comme ça. Je des coups de coude. Non, Ama, il peut pas. Non, non, on a bien compris que la difficulté du type, c'est la communication, donc. Voilà, faire, en fait, vous sentez vraiment qu'il a quelque chose d'important à vous dire, mais il essaye par tous les moyens de vous indiquer quoi faire, mais clairement vous avez énormément de mal à comprendre, hein, d'ailleurs, de la même manière que moi j'ai énormément de mal à vous le dire sans utiliser la langue, c'est compliqué. Donc voilà, surtout un conseil, ne perdez jamais votre langue, sinon vous allez finir comme ça. Donc voilà, vous avez quasiment rien compris à ce qu'il vous a dit. Il arrête pas. Vous sentez que, d'ailleurs, il est à deux. Enfin, il est quand même dans la folie. Hein. Vous sentez que c'est quand même quelqu'un de très perturbé. Ressortez tes lettres de Ouija là. Ressortez tes lettres de Ouija. Ouija. Mais le plateau de Ouija est resté à l'intérieur. Ben, on va réécrire les lettres. On va réécrire la. L'alphabet, il va nous dire. Bah écoute, en soi, c'est pas bête, c'est vrai. Albert. Alphabet. Ah, c'est... Donc tu fais quoi? Tu prends une espèce de planche et tu lui donnes quoi? Tu lui donnes un verre? Ah non, il pointe avec son. Tu griffonnes l'alphabet. Oui. D'accord. Non, je griffonne l'alphabet. D'accord. Du coup, bah, tu non mais en fait il est comme Helmut. Ah ouais. Affaté. Que les moins. du coup, et donc j'ai bien compris, tu griffonnes l'alphabet sur une feuille et lui en gros t'attends à ce qu'il te montre en gros de telle manière les lettres pour que ça constitue des mots. C'est ça le principe. Ben c'est pas bête, franchement, et c'est une très bonne initiative, du coup, ça marche, il va tant bien que mal, donc tu vois qu'il prend entre ses coudes, enfin, il essaie tant bien, ou voilà, un truc pour montrer les lettres, et il montre, alors, G R O T T E grotte D I D T-U-I-M. Non, T-U-M-I-A, pardon. Et après, il écrit en gros détruire culte. Et là, vous voyez un mot que vous avez jamais entendu avant. Vous savez pas du tout ce que c'est. Lyogor. Lyogor. C'est L-L-O-I-G-O-R-S. Attendez, vous parlez d'une grotte? Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a la grotta oh, gigante oh, qui est pas si loin d'ici. Oh oh oh oh hiya oh hiya. C'est ça. Et ben, je crois qu'on va se lancer dans l'expédition de grotte. Oui, oui, bah après, je trouve... Je trouve que vous, à peu près... à une quinzaine de kilomètres d'ici, quoi, enfin de Trieste, de ce que j'ai cru comprendre. Bah, et après, il faut s'équiper, hein. Si on va dans une grotte, de toute façon, j'ai la lampe que j'avais achetée moi à Venise ou à Milan, je me souviens plus, à Milan peut-être. Mais il nous faudra peut-être des cordes et tout ça, hein, on sait jamais. Oui, ouais, tu as raison. On devrait aller et, s'équiper, ouais, des torches et prendre de la nourriture qui ne se périmerait pas trop rapidement, ou hein. On ne sait jamais. Préparer une expédition, une carte, quoi. Et une carte des lieux. Enfin, préparer une expédition, quoi. Et un guide. Un guide pour la grotte, ça se trouve. Mmh. Ben, c'est peut-être un mec qui connaît le culte de Lyogor s'il va dans la grotte. Non, la grotte, c'est aussi une grotte. Vous venez avec nous. Ouais. Ok. Si la question Helmut. Était vous venez avec nous, Helmut, il disait oh, oh, oh, aïe. Ah. Elle a bien assez bavé. Oui. Ah, je vois, je vois. Non, tu vois je rien. Vois, je vois. Ah, ah, ah, ah, ah, ah oui, bavé, bavé. Ah. C'est eux qui vous ont pris pour bavé, oui. L'acteur studio. C'est le culte qui vous a pris vos membres. Oui, oui. Oh, oh. Marco Polo, ça vous dit quelque chose? Oh, oh, oh. Et là, tu vois qu'il réfléchit et il te dit. Il te dit quoi d'ailleurs? Le vieux sage, il a rien dans sa sac, dans son sac. Alors, t'es bluffé. Il te dit, hiya, hiya, oh, oh, hiya. Et avec ses mains, il fait il montre un V, un I, un A. Dragon, ouais. Hiya, hiya, oh, oh, oh. Et il montre quoi comme mot? Via, la via Marco Polo. En gros, pour toi, Emilio, tu sais, c'est une rue, la rue Marco Polo. Hiya, oh, oh, oh. Ah, d'accord. Oui, oui, oui, oui, bon. Oui, la rue Marco Polo, oui. Ok. Ok. Ok, il disait ya, ya, Cthulhu, Thagan. Je croyais qu'il a canté quelque chose, voilà. Ah, ouais, un peu. Voilà. Non, sur le guide du voyageur, ils en parlent pas de la via Marco Polo. Ah bon, elle y est pas? C'est une rue. Si, c'est une rue de Trieste. Qui s'appelle la Via Marco Polo. Il y a quoi dans cette rue? Bah, vous savez pas, enfin, lui il dit c'est. Si après tu peux. Limite, il réfléchit un peu et il dit. Et on. Des maisons, oui. Et non. Oh, quelque chose de normal dans une rue, quoi. Une rue normale. Oui. Il te marque Villa 2 Ahus BCC non BACCHUS. Ah, Bacchus. Villa de Bacchus. Villa de Bacchus. Bacchus. Ah, mais ça reviendrait un peu sur les dieux. Et sur la couronne de laurier. Bacchus, c'est pas un de ses signes, le laurier? C'est Dionysos, l'équivalent de Dionysos. C'est du romain, Bacchus. Oui, romain, c'est Bacchus. Mais c'est normal, on est en Italie, mais. Là, c'est l'équivalent de Dionysos. Vu que c'est le dieu du vin, qu'il ait une couronne de vigne, ça serait pas. C'est une couronne de laurier. Est-ce que c'était vraiment du laurier? On ne sait pas. Tu sais, oui, ou après. Après, moi, je ne connais rien. Et la couronne de laurier. Ça peut être une couronne d'olivier, tu vois, mais bon. Après, la vigne et le laurier, c'est des feuilles qui se ressemblent beaucoup. Enfin, qui se ressemblent. Bon, après, en même temps, vous avez vu des choses se former avec. Du vin, des machins. Tu n'avais pas un détail de la personne. La nourriture. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est la couronne de vigne, de laurier, de lierre, enfin bref. Il y a tout plein de couronnes de toute façon là-dedans. Bon, Vous voyez quand même qu'il vous presse un peu, limite, tu vois, Oui, on s'en va. Essayons peut-être la Villa Bacchus. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. Partir. Avant de partir pour la grotte géante. Enfin, la grotte gigantesque. Moi, j'ai envie de lui faire confiance et de ne pas perdre de temps et d'aller visiter ces grottes au plus vite. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et Bidou est toujours aveugle. Oui. Tu vas me faire un petit jet, tiens, de pouvoir, s'il te plaît. À pouvoir. Mon seul point fort. Tu as la malédiction. Alors. C'est vrai que de se lancer à l'aveugle dans l'exploration. Je relance. Attention, si tu relances, tu peux devenir aveugle à vie, là. Oh là là. C'est pas mal un personnage qui se bat avec une canne. Oh là là. Non, mais là, si je relance pas, je suis déjà aveugle à vie, je pense. Donc, mais après, y a des héros qui sont aveugles. Là. Après, ça se tente. En vrai, t'as 75. Bon. Ouais, j'ai 75. Moi, je relance. Hein. Je m'en fous. Allez, t'as 3 chances sur 4. C'est ça. En vrai. Je l'ai fait, mais je sais pas si c'est lancé. C'est génial. Ah non, t'es plus dans la. T'es déconnecté. Je sais pas. Foundry déconne à mort. Ouais, Foundry déconne à mort aujourd'hui. Ça y est, t'es revenu là. T'es revenu. Hop là, je trouve ma fiche. Allez, s'il vous plaît. C'est Cthulhu, ouais, c'est ça. Et là, il refait 100. Ah, allez, okay. Voilà. 32, passant. Tu à un moment donné, tu sens que tes yeux te piquent. Mais très fort, en fait. Donc tu as le réflexe tout de suite de fermer les yeux, tu sais, de te frotter les yeux assez fort, tu vois. Et quand tu rouvres, tu en fait tu discernes des choses, mais elles sont c'est très flou. Mais tu revois quelque chose, mais c'est très flou, très, tu vois des formes, mais c'est pas encore ça, tu vois, genre, mais tu, c'est vrai que tu récupères peut-être tu récupères un peu, tu vois des formes grossières devant toi, mais tu vois quelque chose. Vous voyez, hein, d'ailleurs, qu'ils se grattent très fort les yeux, hein, les autres. Hein. J'ai enlevé mes lunettes. Hein. J'ai mis mes lunettes dans la poche de mon veste. De ma veste. Et je suis... Bon, ça revient petit à petit. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, tu revois ? Revoir, c'est un bien aussi. Grand mot. J'aperçois... des formes. Bah, le destin est très trompeur avec toi. Bah, ouais. Du coup, on était en état de visiter les grottes, tu penses ? Oui. En tout cas, t'as l'air bien mieux qu'avant, Peter. Et Catherine, vous, ça vous dérange pas d'aller voir ces grottes ? Ou préférez-vous aller voir la villa Dionysos ? C'est la villa de Bacchus. Bacchus, Dionysos... Et c'est pareil. C'est vraiment. Non, c'est pas pareil. Les en Grecs sachant et... que vous pouvez penser que vous n'êtes en soi pas si loin que ça de la villa et que pour pouvoir déjà aller là-bas, vous êtes obligé de retourner à votre hôtel pour vous équiper. Et tout ça, vous n'avez pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Ouais. Équipé pour aller dans une grotte, hein. ce sont quand même faux. Des grottes, hein. Tu voilà. J'ai pas de torche. Peut-être trouver un guide ou des gens qui seraient quand même professionnels pour aller vous perdre dans des grottes. Que je pense que vous n'avez personne ici dans ce groupe de prédisposition à la spéléologie. Donc... Oh. Une fois, j'ai fait une tenue styliste pour péter un avec le truc pour mettre la bougie. Ouais, ouais, ouais. Donc je m'y connais un peu, quoi. Voilà. Sympa, hein, bon. Sympa. Ça va. Alors, je veux bien être sympa une fois, mais pas. On a déjà fait un peu beaucoup avec. J'ai fait mon voyage de troisième en Allemagne là. Voilà, je dépanne mais pas trop. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. C'était juste pour vous prévenir que il est probable que vous puissiez, en retournant vers l'hôtel, être pas si loin finalement de la via de la via Marco Polo où se trouve la villa de Bacchus. Voilà. Moi, je veux bien qu'on fasse un détour, mais dans ce cas-là, peut-être il y en a deux qui partent voir cette villa, parce que va savoir ce qu'on va découvrir. On va peut-être y perdre un peu de temps, et je pense que on devrait optimiser un maximum. Et moi, de mon côté, je vais essayer d'équiper, acheter des torches, et trouver un guide. Oui, d'accord. Donc du coup, on aurait deux groupes. On aurait un groupe qui partirait donc visiter cette villa de Bacchus, et un autre qui irait chercher du matériel de spéléologie, ainsi que... dégoter un guide qui serait à même de vous emmener un guide qui serait à même de vous emmener dans cette grotte d'Hypostumia. Donc qui serait du coup intéressé pour avec Emilio puisque Emilio ne pourrait pas y aller tout seul, même si il retrouve un petit peu un semblant de vue, il ne pourrait pas aller tout seul dans la visiter cette villa de Bacchus. Donc il irait visiter la villa de Bacchus avec Emilio. Ne vous bousculez pas tous. Peter. Après, on dit le meilleur duo. Hein. Peter là, et Emilio. Tic et tac. Donc, voilà. Et donc Catherine irait avec Albert pour chercher du matériel et un guide. D'accord. Donc ce qu'on va faire, et c'est la première fois que je le fais, parce que voilà, je vais cette fois-ci, puisque Ninja, OBS Ninja, je fais un peu de pub, me le permet, je vais déplacer deux personnes dans la salle de la peur, qui pourront peut-être se mettre d'accord sur comment ils vont procéder et tout. Et ces deux personnes ne sont autres que Catherine et Albert. Voilà, donc les gens, vous allez pouvoir peut-être entendre Catherine et Albert converser, enfin voir, les entendre converser, mais vous ne les entendrez pas. Peter, Emilio, vous vous dirigez donc vers la Via de Marco Polo. Vous mettez à peu près une quinzaine de minutes à vous y rendre. Vous avez utilisé les différents moyens de transport à votre disposition, que sont le tram, le tramway, tout ça, ou peut-être un petit taxi qui traîne dans le coin, une petite calèche. Finalement, vous arrivez dans cette fameuse via de Marco Polo. Et en gros, vous arrivez dans un secteur un peu sombre, un peu malgré la journée hein, qui est là. Vous voyez déjà que le temps est plus ou moins nuageux. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a du vent, hein, il fait un peu froid. Et il est vrai que même si on est en plein jour, ça reste quand même assez. Voilà, j'ai eu un petit freeze, autant pour moi. Vous enfoncez. Allô ? Attends. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Je suis en oui. C'est bon ? Oui. Non, mais j'ai eu un freeze. Donc c'est normal. Est-ce que le live est toujours en route ? C'est la question. Oui, c'est bon. Tout va bien. Donc vous enfoncez dans la via Marco Polo. Et au fur et à mesure que vous enfoncez, c'est de plus en plus sombre. Et vous arrivez, au bout d'un moment, devant une villa, devant un portail. Et vous voyez que ce portail est assez ancien. Il est surmonté d'une poutre qui a vachement vieilli, qui est un peu pourrie. Hein. Et vous remarquez que sur cette poutre sont gravées une scène où ce fameux Bacchus, avec sa couronne de vigne, est entouré de nymphes et de femmes, en fait, qui le cajole, qui le choie, tu vois. Et il y a sur le portail, en gros, une grosse chaîne avec un gros cadenas qui, lui aussi, avec le temps, a un peu rouillé. Voilà, vous essayez peut-être de secouer, mais c'est quand même une chaîne assez costaud. Qu'est-ce que vous faites ? On va pas faire demi-tour, Emilio. Hein. On est là. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut escalader le portail ? Il va d'abord qu'on demande à la boutique qui est pas très loin de là des informations sur la villa. Ouais, mais ça paraît être un suspect, ils vont peut-être surveiller si... Si on le fait comme ça, ni vu ni connu, on attirera moins l'attention. Est-ce qu'elle a dit en plein jour un portail où on ne tirera pas l'attention? Alors vous voyez que malgré tout, c'est un coin qui est tout de même peu fréquenté, hein, il n'y a pas beaucoup de passants. Et en gros, la villa, elle fait un peu genre... Alors c'est pas la fin de la rue, mais c'est pas loin de la fin et c'est un peu sombre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Il y en a un de temps en temps, mais bon, voilà. Et toi, d'ailleurs, Mio, tu as remarqué qu'au fur et à mesure du temps que tu faisais le trajet, ta vue a commencé à s'améliorer un petit peu. D'ailleurs, tu as pu quand même voir le portail un peu mieux. C'est plus aussi flou. Et tu reconnais clairement que tu as Peter à côté de toi, même si c'est pas totalement revenu. Je préfère vous voir comme ça, Peter. Où? Oui. Voilà, donc vous avez cette chaîne avec ce cadenas et ce portail qui est assez haut d'ailleurs, hein. Il doit être assez haut quand même. Vous voyez que ça doit faire au moins 5-6 mètres. Ah oui, bah alors non, on va pas escalader. Bah, j'essaie de pousser le portail pour voir s'il est ouvert. Tu vois que la chaîne Ah non, il y a une retient chaîne, il y a une chaîne. l'ouverture. Oui, il y a une chaîne avec Ouais, il y a une un chaîne. cadenas. Avec un cadenas. Bon, le Il y a cadenas, on peut pas le des... péter simplement. Il faut vraiment des outils. Bah, vous pouvez le crocheter. Ouais, enfin, moi, je suis pas capable. Hein. Moi non plus. Mais il y a une amphore à côté, j'ai un truc dans le genre, où juste pour soulever le... On va peut-être trouver la voir clé en s'il n'y a pas dessous. une clé en dessous. Mais vraiment le pire. Oh bah tiens, la clé du Non, il n'y a donjon. pas d'amphore, il n'y a pas de paillasson. Ah. C'est à tester, hein. En vrai, t'as peut-être raison, ils l'ont peut-être donné un double au voisin. Hein. Non, mais par contre, ce qui se fait beaucoup, c'est normalement, il y a un petit portail derrière Ouais, la villa. l'arrière-cour. Ça se fait. Qui doit mener vers d'autres passages. Ok, vas-y. On peut faire un petit tour pour examiner les environs. Alors vous essayez de faire un petit tour, vous faites un peu et vous vous rendez compte que finalement le seul vrai accès de cette villa, c'est vraiment cette porte en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter sur le toit d'une maison voisine pour essayer d'accéder à la villa? Je vais C'est vous demander acrobatique, de mais... faire un jet de chance, s'il vous plaît. Ah. Voir si vous avez un peu de chance, on sait jamais. Peut-être une échelle qui traîne dans le coin, au pire. Vas-y, faites-moi un jet de chance. Les ouvriers qui auraient oublié leur échelle. Oh, quelle chance. Pour accrocher leur linge, tout ça, je sais pas. Hein. Bon, bah on est à peu près aussi chanceux chacun. J'ai pas Vous vraiment de chance là. réfléchissez à une solution, et puis à un moment donné, vous voyez une grosse calèche arriver. Et qui se stationne en gros près d'un magasin. Et il s'avère que elle est quand même assez haute. Et le cocher descend et va dans ce magasin. Et vous voyez que, bah, en gros, la calèche, si vous montez dessus, ça vous fait un bon 3-4 mètres, tu vois. Et que vous pourriez peut-être essayer de passer de l'autre côté. De la grille. Petite Pense la même question, il y chose avait que une moi. cloche au niveau de la grille ou pas? Comment ça, une cloche? Bah, pour sonner, pour qu'on vienne nous ouvrir, je sais Non, pas. non, y a pas de Non. cloche. Ça a l'air abandonné en fait, hein. On est Ouais, d'accord. totalement. Ok. Ok. Bah oui, on peut rentrer par là, mais après c'est pour sortir c'est compliqué. On trouvera peut-être une échelle à l'intérieur. On trouvera peut-être la clé à l'intérieur. Donc, il faut vous passer de l'autre côté. Allez, Allez, on y va. on y va, on est Ok, donc courageux. vous rapidement vous glissez à l'arrière de la calèche. Vous arrivez à monter via une petite échelle qui permet de placer les bagages sur le dessus et vous finissez par rentrer à l'intérieur et je vais aller voir, mais je vais aller voir mes autres amis. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui, merci. Donc, vous êtes parti en direction de l'hôtel déjà pour peut-être aller chercher de quoi vous équiper. Vous avez vu la personne de l'hôtel pour vous diriger vers un magasin qui pourrait vous fournir ce genre d'équipement, hein, que ce soit de voilà. Et vous y allez en calèche, hein, on vous amène directement là-bas. En gros, vous voyez un vieux monsieur qui est au comptoir et vous voyez d'ailleurs plein d'articles, hein, des cordes, des chaussures, des tout ça. Et donc, et bonjour, monsieur, dame. Que puis-je pour vous ? Oui, bonjour. Oui, on avait besoin en fait d'aller visiter une grotte. Nous sommes des touristes, parce que je vous parle de toute façon anglais, donc je pense qu'il le remarque. Et on avait entendu parler d'une grotte, je vous donne le nom de la grotte que je n'ai pas noté, désolé. Ah oui, la Grotta di Postumia, c'est apparemment très joli. Un coin qu'on nous a vraiment recommandé, sauf que voilà, nous on n'a jamais fait ça, et donc on aimerait avoir votre expertise, vous, de ce qu'on pourrait acquérir, et aussi peut-être si vous connaissez un guide qui pourrait faire en sorte que pas de personne, qu'on se perde pas tout simplement dans cette grotte. On aimerait rentrer chez nous ce soir. Eh bien, voyez-vous, j'ai peut-être cette personne. Cette personne n'est autre que moi-même. J'ai déjà eu l'occasion d'aller dans ces grottes. Alors, elles sont immenses et personne ne s'est vanté encore d'avoir complètement visité celle-ci. D'ailleurs, plusieurs personnes de nombreuses personnes sont portées disparues. Hein, certains sont partis, ils ne sont jamais revenus. C'est d'où l'importance de connaître et d'y aller avec un professionnel, une personne telle que moi. Dans quel cadre vous désirez visiter ces grottes? C'est vraiment pour une lune de miel, quelque chose. Enfin, je ne sais pas. C'est votre mariage? Nous serions quatre. Nous sommes un groupe. Touristes, nous, pour diverses raisons, voyez-vous, nos carrières ont fait que nous avons entrepris ce voyage à travers toutes les villes de l'Orient Express, et voilà, nous sommes ici, et on comptait bien profiter de cette grotte, donc on a envie de dire bien des choses agréables, et voilà, on aimerait vraiment la visiter en profondeur, vraiment. D'accord, alors je tiens quand même à vous avertir que ce sont des grottes assez exigeantes. Je ne veux pas dire que vous ne seriez pas capable de le faire, madame, mais même pour des hommes de bonne composition, ce n'est pas toujours évident. Alors, je tenais quand même à vous mettre en garde, si vous voulez visiter ces grottes, que ce ne sera pas une tâche facile, ce sera assez ardu. Mon cher monsieur, je sais bien que entre vos mains, je ne risque rien. Effectivement. Eh bien, écoutez, soit je vais préparer le matériel nous pouvons nous retrouver à votre hôtel. Je viendrai avec tout le matériel nécessaire. Et à ce moment-là, je vous ferai un petit briefing pour la marche à suivre et les différents points de sécurité qu'il faudra respecter pour cette visite. Parfait, merci beaucoup. Mais c'est parfait, monsieur. Pensez que nous serons quatre. Oui, effectivement, oui. Madame me l'a dit, je vais faire l'équipement pour 4, effectivement. Eh bien, je vous dis à plus tard. Et donc, vous retournez à l'hôtel. Oui. Ah. Et froide. Alors, mes très chers amis, nous allons donc nous arrêter là pour ce soir en laissant Peter et Emilio dans vandaliser, cette villa de Bacchus. Et notre petit couple Catherine Albert finissent leurs emplettes pour cette future expédition dans les grottes d'Hypostobia. Je vais donc de ce pas lancer l'outro et après on se retrouve juste après.